Chapitre 8e. Nous voilà maintenant à Varsovie, où nous allons retrouver Edmond au milieu de sa famille, au milieu de ses amis. Mais ne croyez pas qu'il se sentit heureux, oh non, car s'il est des impressions qui s'effacent avec le temps, il en est d'autres qui se renouvellent, toujours vives, profondes, pénétrantes, et de ce nombre étaient celles qui avaient flétri, dévasté le cœur d'Edmond. Les amis d'Edmond, et particulièrement Alphonse G. et Bronislas B., cherchaient à le distraire, mais il ne pouvait supporter ni le bruit des salons, ni le vide des conversations du monde. Un soir, pour déterminer Edmond à sortir, Alphonse et Bronislas lui proposèrent d'aller faire une promenade au jardin de Saxe. En entrant dans la première allée, ils remarquèrent une jeune femme vêtue de noir, qui était assise sur un banc de pierre et qui paraissait plongée dans une profonde méditation. « Cette femme me fait mal à voir, » dit Edmond. Sa tournure, son attitude, me rappelle. Cette femme, reprit Bronislas, c'est Clotilde, qui m'occupe depuis si longtemps, qui me plaît et que j'aime presque. Malgré le voile qui couvre son visage, je crois la reconnaître, et pour nous en assurer, allons de ce côté. Comme il disait ces mots, un homme s'approcha d'Edmond et lui dit. Monsieur, n'êtes-vous pas le comte Ostrorog? Oui, monsieur. Eh bien, suivez-moi. Je suis le médecin d'une pauvre malade qui a des révélations à vous faire. La jeune dame que vous voyez là, sur ce banc, m'attendait ici pour savoir le résultat de mon message et pour m'emmener aussitôt chez la malade. Cette pauvre femme n'aura ni la santé ni le repos avant de vous avoir vu. Les trois amis s'interrogèrent du regard. Ils ne savaient quoi penser de cette étrange aventure. « Monsieur, dit Bronislas, nous voulons croire ce que vous dites. » Mais vous nous permettrez d'accompagner notre ami chez la personne qui désire lui parler ? Fort bien, messieurs, dit le docteur, et on se mit en route. Après un court trajet, on s'arrêta devant une maison d'assez chétive apparence. Le docteur entra le premier, s'approcha du lit de la malade et lui dit « Ma bonne Marguerite, voici le comte Ostrorog. Que Dieu soit béni, reprit la malade. « Oui, ma mère, c'est lui, s'écria Clotilde. Maintenant, calmez-vous. Ma fille !» « Remercie Dieu, car le salut de mon âme est attaché aux révélations que je vais faire. Fils d'Adolphe et d'Hélène, pardonnez-moi. Ma mort approche. Le jour de la vérité est venu. Regardez votre sœur. Cet enfant, c'est Julie Ostrorog. »« Non, » dit Edmond avec véhémence, « cette femme n'est pas Julie. »« Hélas, » répliqua Marguerite, « vous ne pouvez pénétrer ce mystère, et le bon Dieu, pour me punir, me condamne à vous l'expliquer. » En prononçant ces mots, un spasme convulsif s'empara de la malade et l'empêcha de parler pendant quelques moments. La jeune fille vint auprès de son lit et lui fit avaler quelques cuillerées de potions. Peu à peu, Marguerite se calma et reprit en ces termes « J'ai menti devant Dieu et devant les hommes. J'ai trahi les volontés d'une mourante. Écoutez-moi, comte, et pardonnez-moi. Hélène, à son lit de mort, m'avait confié sa fille, sa Julie, pour que je la remisse entre les mains du baron de Tolly. Et j'ai trahi Hélène. Mais j'aimais tant cet enfant. Comment avoir la force de m'en séparer? J'ai péché par tendresse pour l'enfant de mon cœur, mais j'étais coupable, car je ne pouvais lui faire qu'une triste destinée. Quand je sentis la mort s'approcher, les remords s'emparèrent de moi. Je confiai au docteur le secret qui pesait sur mon âme, et il me promit de chercher à vous découvrir. Il a accompli sa promesse. Je vous rends votre sœur, et je mourrai tranquille, en lui laissant un appui. « Donnez-moi la preuve de ce que vous avancez, » dit Edmond. Marguerite prit une cassette qui était près d'elle et en tira l'extrait de naissance de Julie. « Tenez compte, lisez ce papier. Tout y est constaté, jusqu'à un signe que Julie porte sur le bras gauche. » Julie, car désormais nous ne l'appellerons plus Clotilde, s'approcha et montra à Edmond le signe qu'elle portait au bras gauche. « Je deviendrai fou, » s'écria Edmond. « Julie ?» Celle que j'ai aimée, celle dont j'ai été séparée, n'était donc pas ma sœur ? Non, dit Marguerite avec des sanglots, non, c'était l'enfant que j'avais substitué à l'enfant d'Hélène. Un matin, à la pointe du jour, après d'horribles combats, je me décidai à porter Julie au baron de Tolly. La fatalité voulut qu'en passant par une rue isolée, je trouvasse une petite enfant de 2 ou 3 mois, abandonnée à la miséricorde des passants. Je pris cet enfant, et je vis suspendu à son cou un petit morceau de papier sur lequel étaient écrits ces mots « Clotilde, née le 7 mai 1793 ». Je m'emparai de ce précieux fardeau, et dans le premier moment d'exaltation, je crus que c'était le ciel qui me l'envoyait. Je courus chez moi, je déposai Julie dans son berceau, puis je portai Clotilde chez le baron de Tolly, en lui disant que c'était l'enfant d'Hélène. J'ai élevé Julie, je l'ai vu grandir et se développer. La petite fortune que m'avait laissée Hélène m'aida à donner à sa fille une éducation convenable. Mais comme cela épuisait mes faibles ressources, nous étions obligés de nous restreindre dans l'intérieur de notre ménage. Nous n'avions pas de servante, et quand je tombais malade, cette chère enfant fut forcée de sortir seule pour aller chercher ce dont j'avais besoin. C'est alors qu'elle fit la rencontre de monsieur, dit-elle en regardant Bronislas. Mais aussitôt elle me le confia, et c'est maintenant son frère qui la protégera. Bronislas rougit comme une jeune fille dont on a surpris le secret, et tendit la main à Edmond. Edmond avait l'âme bouleversée. Il ne pouvait parler. Il ne pouvait ouvrir son cœur à l'espoir d'un nouveau lien, d'une nouvelle affection. Le souvenir de Julie se plaçait entre lui et sa sœur. Les grands mystères de joie ou de douleur ne peuvent et ne doivent jamais sortir de l'âme qui les recèle. Mais la nature donne toujours un moment de calme dans les situations les plus violentes de la vie, comme un instant de mieux avant la mort. C'est le dernier recueillement de toutes les forces. Peu à peu, la pensée du devoir, la douceur des affections de famille, pénétrèrent dans ce cœur désolé. Edmond embrassa sa sœur et promit à Marguerite de la remplacer quand elle ne serait plus. Marguerite mourut peu de jours après avoir vu Edmond. Dieu l'appela à lui quand elle fut remise de ses fautes, quand elle eut obtenu le pardon de celui qu'elle avait rendu si malheureux. Clotilde vint habiter la maison de son frère, et bientôt ils devinrent unis par le cœur comme ils l'étaient par la nature. Les soins de Clotilde, cette tendresse de femme qui se manifeste par des preuves journalières, parvinrent, si ce n'est à consoler Edmond, du moins à lui faire une vie supportable. Mais le bruit, le mouvement d'une grande ville, l'air de fête et de joie qui se rencontre à chaque pas dans une ville de luxe et d'opulence, tourmentaient Edmond de ce mal qui n'a pas de parole pour se dire et pas de plainte pour s'exprimer. La douleur, la profonde douleur, a des instincts d'un égoïsme affreux. Le plaisir, la gaieté des autres la repousse, la fait souffrir et lui fait pitié. Edmond proposa à sa sœur de quitter Varsovie pour aller s'établir à Kamieniec-Podolski, où il avait une propriété. Clotilde accepta. Les femmes commencent à sentir le degré d'un attachement quand elles ont une douleur à offrir, un sacrifice à faire. Elle oubliait son propre bonheur pour donner le repos à son frère. Clotilde quittait Bronislas, et ce départ développait en un moment l'amour combattu, l'amour qui s'était caché à l'ombre de son innocence. Il faut un concours de circonstances absolues pour que le caillou laisse jaillir l'étincelle qu'il renfermait dans son sein. Mais qui peut connaître le cœur des femmes? Clotilde n'avait-elle pas une joie secrète en soumettant Bronislas à une épreuve? L'absence, la séparation, ne sont-elles pas la pierre de touche des affections humaines? Bronislas fut atterré en apprenant la résolution d'Edmond. Mais, sans cette circonstance, peut-être n'aurait-il pas prononcé si tôt le mot de mariage, ce mot si solennellement redoutable. Edmond accueillit avec empressement la proposition de son ami, car il savait que Bronislas était une âme d'élite qui devait assurer le bonheur de sa sœur. Bronislas, en faisant ses adieux à Edmond, lui promit de le rejoindre bientôt à Kamieniec. Clotilde, présente à ses adieux, était dans le recueillement du bonheur. Elle savait qu'elle était aimée. Le plus beau moment de la vie est celui où l'on découvre que l'on aime, mais le plus doux, le plus enchanteur, est celui où l'on apprend qu'on est aimé. C'est la vie qui se révèle à nous avec toutes ses ivresses, toutes ses craintes et toutes ses espérances. C'est enfin la possession de l'infini, l'entrée du ciel, le détachement de toutes les choses de la terre. Et c'est à ce moment si cher qu'il fallait que Clotilde quittât Bronislas. Et malgré la certitude de le revoir bientôt, elle partit désespérée. Mais en quittant ce qu'on aime, il n'y a pas de départ heureux. Adieu est le mot le plus triste de la vie, celui qui ressemble le plus à la mort. Clotilde pleura beaucoup. Ah, quelle bonne et enviable douleur !